بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc on rentre dans un nouveau chapitre, Babun man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima. Donc le chapitre de la recherche de la bénédiction par un arbre ou de part d'un arbre. Tabarraka bi shajaratin, donc la recherche de la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre ou d'autres choses. Le shir, comme on avait vu dans plusieurs chapitres déjà, quand il dit Maja'a, par exemple Maja'a fi al-ruqa wa al-tama'im, ou ici man tabarraka bi shajaratin wa hajarin wa nahwihima. Donc le shir, il cite comme ça un titre de chapitre sans citer de hukm, sans citer le hukm. La ulama qui ont expliqué son livre, donc entre autres ses deux petits-enfants, Sulayman ibn Abdullah, rahimahullah, dans At-Taysir, il dit Aïe, hal huwa shirk amla, wa hal huwa shirkun akbar ou asghar. Donc le shirk, pareil, la yudliq. Il dit, celui donc qui recherche la bénédiction d'un arbre, d'une pierre ou d'autre, est-ce que c'est une forme de shirk ou non? Ça, c'est son taqdir à lui. Par contre, Abdurrahman ibn Hassan, dans Fath al-Majid, lui, il dit, le taqdir qu'il donne, donc il dit, Babun man tabarraka bi shajaratin ou hajarin wa nahwihima, fahuwa mushrik. Fahuwa mushrik, il est mushrik, il est associateur. On va voir, inshallah, dans le détail. Wallahu alam, ce que le shir lui l'a voulu, c'est, comme il faut, Allahu alam, on verra que dans le hadith du chapitre, bon, il y a, on connaît le khilaf qu'il y a dans la compréhension de ce hadith-là. Et Wallahu alam, si on regarde dans les masail du chapitre, donc les masail bon, qui n'apparaissent pas dans l'autre livre à nous, mais qu'on trouve dans Kitab Tawhid, dans la base, c'est que le shir, il a voulu montrer que il y a un détail dans ce sujet-là. Il y a un tabarruk qui rentre dans le shirk akbar, et il y a un tabarruk, c'est la recherche de bénédiction, qui n'atteint pas le shirk akbar. Et sur ça, on verra que dans le Masail, il dit wa ashirk fihi akbarun aw asghar li'annahum lam yartaddu. Donc dans cette chose-là, dans la recherche de la bénédiction, le shirk, il est soit akbar, soit une grande association donc, qui fait sortir de l'islam, ou une petite association, une association mineure qui, elle, ne fait pas sortir de l'islam. Il dit parce qu'ils n'ont pas mécru, là il parle évidemment des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont demandé, donc, comme ça vient dans le hadith du chapitre, Zad Anwat. Donc un arbre, comme les mouchriquins avaient un arbre, il a khiri, comme on verra dans le détail. Donc le shir, Allahu alam, il a voulu montrer ici, c'est pour ça qu'il n'a pas cité de hukm dans le chapitre, parce que comme dans Ruqa wa Tama'im, comme on a vu dans le chapitre précédent, il y a fit tafsil, il y a du détail, il y a du détail, et on verra aussi qu'il y a du khilaf sur la compréhension du hadith de Zat Anwat, et que At-Tabarruk n'est pas forcément du shirk akbar. Non, mais c'est pour ça qu'il cite d'abord le verset. Alors le verset, clairement, il est dans le shirk al-akbar, comme on verra, puisque les mouchriquines recherchaient la bénédiction de leurs idoles, mais en faisant quoi? En leur donnant des sortes d'adorations. Donc là, il n'y a pas de niqash. L'ibada li ghayrillah, ibadatun li ghayrillah, ou sarf l'ibada li ghayrillah, le fait de donner l'adoration à un autre qu'Allah Jalla wa'ala. C'est la définition du shirk akbar. Donc ça, c'est ce que eux faisaient, et c'est de cette manière-là qu'ils recherchaient la bénédiction de leur divinité. Et on sait que leur croyance à eux, c'était quoi? Shafa'a, talab al-shafa'a, ou al-taqarrub ila Allah ta'ala. Comme disait Haoulaï, Shufa'auna 'inda Allah, ceux-ci sont, donc ces divinités sont nos intercesseurs auprès d'Allah, ils intercèdent pour nous. Ou il disait aussi, Man'abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons pour le simple but qu'elles nous rapprochent, pour le seul but qu'elles nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme on va le voir aussi, Wallahu alam, ce que le shirk vise dans ce chapitre-là, c'est que le shirk, quand il s'agit de shirk, c'est du shirk dans l'adoration. Et qu'il n'a pas visé le shirk ici dans la croyance dans Ar-Rububiyya, comme il va l'expliquer après. Ar-Rububiyya, comme on l'a vu dans Ar-Ruqa wa Tamaim, ou concernant Tamima, et concernant donc les talismans, etc., c'est un shirk. Asrar, à la base, on avait vu, qui est lié par contre à la croyance, c'est le fait de croire que cette chose-là, c'est un sabab, une cause par laquelle Allah Jalla wa'ala repousse un mal ou nous procure un bien. Donc, dans une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas légiféré, dans une chose dont rien n'établit que c'est un sabab permis. Donc, c'est le fait de s'y attacher par le cœur, c'est-à-dire par la croyance. On avait dit d'emblée que c'était un shirk asrar, mais dans la rububiyya, dans la seigneurie d'Allah Jalla wa'ala, dans la croyance. Comme ils appellent ça, tawhid i'tiqadi ou tawhid al-aqida ou tawhid al-ilm al-khabari al-akhiri. Plusieurs noms, mais ça revient toujours au même sens, c'est le tawhid dans la croyance. Alors que là, dans ce bab là, ce qui est voulu, wallahu alam, c'est le shirk dans l'adoration. Même si on peut comprendre que il s'agit d'un shirk dans la croyance aussi. Mais on va voir que ce qui est visé, wallahu alam, c'est le shirk dans l'adoration. En tous les cas, dans le verset, c'est clair. Moi, les ulama, ils disent que at-tabarruk, c'est talab ou le baraka. At-tabarruk, c'est le fait de rechercher le baraka. Le baraka, ils disent que ça vient de le birka. Le birka, c'est ou le ma'ou, le kathir, thabit al-raqid. C'est-à-dire, le baraka, ils ont tiré ça, mushtaqun min al-birka. Et le birka, c'est quoi? Le birka, c'est de l'eau stagnante en grande quantité. Donc, le baraka, c'est le fait de rechercher un bien en grande quantité et thabit, c'est-à-dire quelque chose qui dure. Okay, c'est tiré de dévié de ce mot-là. Donc, on peut dire, talab al-baraka, c'est-à-dire talab al-khayr, al-kathir, al-thabit. Le fait de demander un bien en grande quantité et pour une longue durée. Ça, c'est ça, la baraka. Talab, la baraka, at-tabarruk bi kaza wa kaza. Le Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Hashiya? Donc, il nous dit concernant at-tarjama, donc le chapitre. Le chapitre, le titre par contre du chapitre, Babun man tabarraka bishajaratin wa hajarin wa nahwihima. Donc celui qui recherche la baraka d'un arbre, d'une pierre ou d'autre que ces deux choses-là. Ay wa ma yushbihuhuma kabuqa'a wa maghara wa zawiya wa qabrin wa mashhad wa mawti wa atharin wa nahwi dhalik. Donc, c'est le fait de rechercher la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre ou de quelque chose qui ressemble à ces choses-là, comme n'importe quoi, un endroit, une caverne, une tombe, n'importe quoi, des traces d'anciens salihin ou d'endroits qui ont été érigés pour le recueillement, le mashhad, etc. Zawiya là-bas, c'est pareil, c'est un angle, mais c'est un endroit de recueillement, etc. Donc, c'est que des endroits comme ça vers lesquels on se tourne pour rechercher al-baraka. Donc, il y a des choses qui sont légiférées, comme le fait de prier dans le masjid al-haram, ou dans le masjid al-nabawi, ou dans le masjid al-aqsa. On sait que la récompense dans ces endroits-là, elle est multipliée. Donc la baraka ici, c'est la multiplication de la récompense. Ou le fait, par exemple, les 10 dernières nuits. Ça, c'est concernant El Makan. Concernant El Zaman, le temps, c'est le fait d'adorer Allah Jalla wa Ala pendant les mois sacrés ou pendant les 10 dernières nuits de Ramadan ou durant Laylat al-Qadr. Donc tout ça, c'est des moments pendant lesquels on adore Allah Jalla wa Ala et on recherche la baraka de ces instants-là. C'est-à-dire que le fait que la récompense, elle soit multipliée à ces moments-là. Donc il y a une baraka, il y a une tabarruk qui est shar'i, qui est légiférée. Et il y a des tabarruk, des recherches de bénédiction qui sont de la bid'a. Bid'a qui est soit mukaffira, donc qui fait sortir de l'islam, comme clairement c'était le cas du tabarruk des mushrikines, donc qui donnait l'adoration à un autre qu'Allah. Ou il y a de la bid'a qui est mufassiqa, même pas mukaffira, comme le fait, on le verra, d'adorer Allah Jalla wa Ala à des endroits bien précis qui ne sont pas légiférés. Ça, clairement, ils font la différence entre ce qu'on appelle al-baraka, al-ma'nawi ou tabarruk al-ma'nawi ou al-tabarruk al-hissi ou al-baraka al-ma'nawiya ou al-baraka al-hissiya. Al-baraka al-hissiya, c'est le fait d'obtenir de la baraka de quelque chose qu'on va toucher. Quelque chose qu'on va toucher et en touchant cette chose-là, on va obtenir un bien, c'est-à-dire hissi. Et ça, les ulama, ils mettent ceci concernant que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était béni, son corps, pour ça que les compagnons, ils faisaient un tabarruk avec ses cheveux, avec sa salive, avec sa sueur, même avec son urine, c'est rapporté, etc., avec tout. Et ça, c'est exclusif au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais durant sa vie. Durant sa vie. C'est-à-dire ne pas prendre ces textes-là pour en déduire qu'aller l'invoquer à sa tombe après sa mort, c'est quelque chose qui rentre dans le tabarruk shar'i. Ça rentre dans le tabarruk bid'i, même shirki. Et tout le reste, ça rentre dans le tabarruk al-ma'nawi. Même le fait de toucher la pierre noire, par exemple. Faites de toucher la pierre noire, la baraka qu'il y a là-dedans, elle est où? Elle est ma'anawi, c'est la ma'anawiya, c'est-à-dire que le fait de toucher la pierre, on va être récompensé par Allah Jalla wa Ala, ou voir ses récompenses multipliées parce qu'on a suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la pierre en elle-même on tire pas la baraka directement de comme les compagnons l'ont tiré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait, la baraka, elle est où? Elle est dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc d'être récompensé pour avoir suivi sa sunna. La baraka, elle est là. Comme Omar, il a dit, je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne procure ni bien ni mal, et il l'a embrassé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Donc la baraka, elle est là, elle est dans l'ittiba', ittiba' sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas dans le hiss, c'est-à-dire le fait de toucher comme les compagnons du prophète sallam arrivaient à tirer la baraka de ses cheveux, de sa salive et de tout. Ça, c'était exclusif à lui. Et donc, on sait que les compagnons, radiyallahu anhum, jamais ils ont fait ça avec Abu Bakr, ni avec Omar, ni avec Uthman, ni avec Ali, et encore moins avec les autres. Et encore moins avec le shir Foulen, le soufi, le Qubouri, qui crache un molar et je plonge pour aller le chercher. Comme on voit chez le Qubouriyen, le soufia, etc. Donc là, ça rentre dans la bid'a, minimum. Donc ici, ce qui est visé, quand il dit al-hajar wa nahwihima, donc c'est dans Shajara ou al-Hajar, c'est pas encore une fois comme on l'avait vu concernant al-Tama'im. Il disait que c'était pris soit comme al-Watar, la corde d'un arc, al-Qiladatun min Watar, La corde d'un arc, on avait vu certaines pierres ou des coquillages, etc. etc. Ça, c'est encore une fois ce qui est visé, c'est pas At-Ta'yin, c'est pas ces choses-là en particulier, c'est la croyance qui est liée à ces choses-là. Et les actes qui sont voués à ces endroits-là ou pour ces choses-là. C'est ça qui est voulu, c'est pas les choses en particulier. En particulier. Donc, ici, le shir nous dit. Donc, pour expliquer le titre, El Taqdir, comment on comprend ce titre-là, pour essayer de donner un hukm à ces choses-là, il dit Waman, donc dans le titre, Man Tabarraka. Il dit Man ism shart, wal jawab mahdhuf taqdiruhu faqad ashraka billah. Donc, Man ici, il est ism shart, Man shartiya. Donc, phrase de condition. Donc, man tabarraka bi shajaratin ou hajarin. Donc, tabarraka fi'al shart. Fait un peu de grammaire, se rappelle de ça. Donc, la condition ici, c'est tabarraka. Man tabarraka bi shajarin ou hajarin. Jar wa majrur muta'alliqan bi tabarraka. Et jawab shart, il est où? Et lui, il dit justement qu'il n'est pas cité. Dans cette première compréhension, la récompense ou la réponse à la condition, elle n'est pas citée. Et on nous qaddiruha, nous qaddiru, nous qaddir al jawab. Donc sur cette première compréhension, la réponse à la condition, c'est faqad ashraka billah. Il a associé à Allah. Donc celui qui recherche la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre ou d'autres que ces choses-là, comme on a cité avant, d'autres exemples, il a associé. Donc, comme on a dit dans Fath al-Majid, Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, il dit, Fawa mushrik. Nafs shay, yani. Faqad ashrak, fawa mushrik. C'est le même sens. À part chez le Jahmiya. Faqad ashraka billah. Donc, sur cette compréhension-là, tabarruk, la recherche de bénédiction, c'est du shirk mutlaqa. Et ici, c'est une deuxième compréhension, yahtamil. أن من موصولة فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما وما يترتب عليه من الوعيد. Dans la deuxième compréhension du titre, on dit que man est mawsoula, يعني بمعنى الذي. Ça a le sens de الذي. Des fois, on sait que man, Man, il peut être shartiya, il peut être mawsoula, il peut être aussi masdariya. Et là, ici, on a, il peut avoir deux sens et ça change le sens du titre. Donc ici, ça donnerait le chapitre de celui ou de bayan hukm. C'est-à-dire l'éclaircissement du statut, du jugement de celui qui recherche la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre. Donc là, c'est explication de son statut ou éclaircissement de son statut. C'est-à-dire sans juger mutlaqan annahu shirk, que c'est du shirk comme dans la première compréhension. Et wallahu alam, c'est ce que le shir il a voulu faire. Et ça, on le sort d'où? On le sort des masaïl du chapitre. Quelqu'un qui dit, c'est quoi ton délil que Shir il a voulu dire ça? Eh bien, c'est la parole du Shir lui-même. Là, on ne les a pas dans le livre qui est avec nous, mais si vous prenez Kitab Tawhid ou Fath al-Majid ou quoi, où il cite les masaïl, il dit, Wafihi, quand il dit Fihi, yani fi al-bab ou fi al-hadith, Allahu a'lam, fi al-bab, dans ce chapitre-là, Shirku, يكونوا أكبر أو أصغر دي لأنهم لم يرتدوا dans ce chapitre là le shirk il est soit akbar ou asghar c'est-à-dire dans le chapitre de quoi de tabarruk fait de rechercher la bénédiction il est akbar ou asghar parce qu'ils n'ont pas mécru c'est-à-dire ils visent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils ont demandé comme ça vient dans le hadith. Ça, c'est les deux compréhensions qu'on peut avoir. Wallahu alam, ce que le shir, il a voulu dire dans ce chapitre-là, c'est plutôt la deuxième, le deuxième taqdir. Est-ce qu'il repose donc sur le fait de faire ceci comme châtiment, comme menace du châtiment? Donc ça c'est sur donc c'est et son jugement c'est qu'il est mushrik et qu'il a commis le shirk majeur, la grande association. Donc ça c'est sur la première compréhension, sur le premier titre. On va voir que le Shir Ibn Qasim al-Muhashi, lui, voit, comme la majorité de l'A'immat al-Da'wa al-Najdiya, que ce qui est visé dans ce hadith-là et dans al-Tabarruk, c'est le Shirk al-Akbar mutlaqan. Et comme on verra, ce n'est pas l'avis de tous les ulémas. Et on verra que chez les mutaqaddimin, si on peut dire comme ça, les ulémas d'avant eux. Moi, personnellement, j'ai jamais lu une parole où les ulémas, ils ont dit que c'était du shirk akbar. Ce que les compagnons avaient demandé dans ce hadith-là. On trouve surtout cet avis-là chez A'immat al-Da'wa al-Najdiya. Mais on verra la parole de Ibn Taymiyyah, Imam al-Shatibi, Inch'Allah, on lira leurs paroles, qui, ces ulémas-là n'ont pas vu que ça atteignait ce qu'ils ont demandé, le shirk al-akbar. Wallahu alam. Ensuite, il dit likawnihi. Donc, il explique pourquoi. Donc, là, ici, c'est l'illah. Pourquoi c'est du shirk akbar dans sa vision. Likawnihi, dans son avis, likawnihi ta'alluqun ala ghayri Allah ta'ala fi husoulil baraka min ghayrihi. Likawnihi ta'alluqun ala ghayri Allah ta'ala fi husoulil baraka min ghayrihi. وإن كان الله جعل فيه بركة. Il dit parce que c'est le fait de s'attacher à un autre qu'Allah Jalla wa Ala pour obtenir la bénédiction. Donc, le fait de s'accrocher à autre chose qu'à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir la bénédiction d'un autre que lui. Non. Si on comprend ça comme ça, effectivement, parce que quand on dit fi husul il baraka min ghayrihi, obtenir la baraka d'un autre qu'Allah, on sait que celui qui donne la baraka, c'est Allah Azzawajal. Maintenant, c'est-à-dire par quoi on cherche cette baraka-là? C'est ça qui nous importe dans ce chapitre, en faisant quoi, ces gens-là, que ce soit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tous ceux qui cherchent la baraka, ils cherchent la baraka en faisant quoi exactement? Est-ce que leur acte est du shirk akbar mutlaqan ou est-ce que ça peut être autre chose? C'est ça qui nous importe dans ce chapitre-là. Il dit même si Allah Jalla wa Ala a mis dans cette chose-là de la baraka. Il dit wa at-tabarruk talab al-baraka wa raja'uha wa ihtiqaduha أو عائدة وأمل بركة تعود إليه من جهتها من جلب نفع أو دفع الضر وتبرك به تيمن وفاز منه بالبركة واستبرك به تفأل بالبركة والبركة النمو والزيادة. Donc ici il dit, il donne un sens au tabarruk. Ça rejoint ce qu'on a dit avant. On avait dit at-tabarruk talabul baraka, comme il dit ici, le fait de rechercher la baraka, ou de l'espérer ou de la croire. Donc le fait de rechercher la baraka, d'espérer la baraka, ou de croire que la baraka elle vient d'une chose. Ou aidatun wa amalun wa amal baraka ta'ud ilay min jihatiha. Ou le fait de recevoir qu'il y ait un retour ou un espoir de la baraka qui revienne vers celui qui la demande. C'est-à-dire en provenance. Ou aïda, ou amal baraka, ta'oud ilayhi min jihatiha. Donc le fait d'espérer la baraka, que la baraka revienne vers lui, min al-aïda. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il dit après, donc c'est le fait de la baraka, de rechercher la baraka, c'est quoi? De rechercher à se procurer un bien ou à repousser un mal. Et là, la question, c'est de, encore une fois, de quelle manière? Et on dit, wa tabarraka bi shay, tayammana, wa faza minhu bil baraka. Tabarraka bihi, on dit, tayammana, wa faza minhu bil baraka, ila akhiri, wa stabraka bihi, tafa'la bil baraka. Le baraka, à la base, comme on a dit, c'est le fait qui est une chose en grande quantité ou le fait de rechercher l'augmentation d'une chose. Ici, c'est le fait de rechercher le bien ou l'augmentation du bien et qu'il soit en grande quantité et qu'il soit durable. Comme on avait dit, talabul khayri al-kathir al-thabit. Ensuite, ici un verset. Le verset de Sourate al-Najm. الله جل وعلا دي وقل الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى دو سورة النجم فويفو اللات العزة ومناة لا تخوزيم ici التقدير comme il dit le محشي التقدير c'est quoi تقدير الآية هدي أي هل نفعت أو ضرت يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها فلما تعبدونها وتجعلونها شركاء لله donc ici on voit de quelle manière eux ils ont cherché la baraka de ces idoles là de leurs idoles. Taqdir al-kalam, donc c'est comme si il y a quelque chose qui est caché dans la parole, et le sens c'est, voyez-vous, est-ce que ces trois idoles-là, qu'Allah Jalla wa'ala il a cité ici, comme on va le voir, c'était les principales idoles, les plus grandes idoles des Arabes, Lat wa al-Uzza wa Manat, est-ce qu'elles procurent un bien ou repoussent un mal? C'est-à-dire, c'est une Allah Jalla wa'ala il les réprimande, c'est-à-dire vous savez que ceci ne leur appartient pas, c'est-à-dire ils avaient la croyance que ces trois idoles là et les autres Lat wal Uzza wa Manat ne procuraient aucun bien et ne repoussaient aucun mal, n'avaient le pouvoir de rien faire. Et Allah Jalla wa'ala dans le Coran du début à la fin il les réprimande et justement il utilise contre leur croyance dans le tawhid al-rububiyya, dans le fait que, dans leur croyance que seul Allah Jalla wa'ala yanfa' wa yadur, seul Allah subhanahu wa ta'ala procure bien et repousse un mal, il utilise cette croyance, leur croyance contre eux, comme dalil sur leur shirk. Pour les mettre en garde sur leur shirk et leur dire vous croyez ça et vous donnez des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. والله جل وعلا دي هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرة رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون c'est le même أسلوب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ne donnez pas à Allah des égaux dans quoi dans l'adoration alors que vous savez que lui seul a le pouvoir de faire du bien et de repousser le mal. C'est la même chose ici quand il dit يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها. Donc on sait très bien que dans leur croyance, ils savaient que ces idoles-là ne procuraient ni bien ni mal dans le sens « yani ala wajh al-istiqlal », c'est-à-dire de par elles-mêmes. Mais ils ont pris comme « sabab » le fait de les adorer pour le but, c'était quoi? Qu'elles intercèdent pour eux auprès d'Allah ou que ça les rapproche d'Allah puisqu'ils pensaient que qu'Allah Jalla wa'ala les aimait puisqu'ils représentaient encore une fois des pieux prédécesseurs de l'époque de Noé ou après, ou d'autres idoles, ça c'est des idoles de Noé, mais du moins ils pensaient qu'Allah Jalla wa'ala aimait ces idoles et aimait qu'ils les adorent et que ça les rapprochait d'Allah Jalla wa'ala et qu'ils recherchaient par ceci leur intercession auprès d'Allah. « Man a'buduhum illa liqarribuna illa Allahi zulfa » Et dans l'autre verset, هَاُولَئِ شُفَعَاُنَا عِنْدَ اللَّهِ Jamais ils ont cru qu'elles procuraient bien ou repoussaient un mal. Et donc ici qu'on voit que leur tabarruk à eux, c'était quoi leur tabarruk? Tabarruk shirki. Comme il dit, فَلِمَا تَعْبُدُونَهَا وَتَجْعَلُونَهَا شُرَكَاءَ لِلَّهِ. Donc là, il n'y a pas de niqash. Ils ont cherché la baraka en donnant l'adoration à ces idoles-là. Et en donnant l'adoration à ces idoles-là, ils recherchent quoi? La baraka. On rappelle, la baraka c'est quoi? Talabul khayri al-kathir al-thabit. Ils recherchent le bien, la récompense d'Allah. Récompense en grande quantité et durable. Mais en faisant quoi? En faisant le shirk akbar. Donc là-dessus, il n'y a pas de niqash. Le verset, il est bien dans At-Tabarruk al-Shirki. Dans le fait de rechercher un bien ou à repousser un mal, c'est-à-dire la baraka, mais en faisant quelque chose qui est du shirk akbar. Ensuite, il dit وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز ولهذا نص عليها بأعيانها. Il dit, ces trois divinités étaient les plus grandes divinités des mouchriquins, surtout dans le Hijaz, c'est-à-dire la région de Mecca. Et de Médina. Et c'est pour cette raison-là qu'Allah Jalla wa'ala, il a cité leur nom. Pour cette raison qu'Allah il a cité leur nom. Lat wa al-Uzza wa Manat. Alors qu'ils avaient une multitude d'idoles et qu'Allah Jalla wa'ala n'a pas cité par leur nom parce que c'était les plus grands tawarites. Les plus grands tawarites et ceux qui ont été le plus vénérés à leur époque dans cette région-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il cite leur nom. C'est pour ça que parmi les ulama, il y en a qui disent que le fait de citer les noms d'El Mubtadi'a et de Du'at, des prêcheurs à l'égarement et à la bid'a et au shirk, on cite le nom des plus grands, des plus dangereux et des plus, on va dire, ceux qui ont le plus d'influence. Tu vois, il fa fil hijaz awthan ghayruha. ولكن خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها أكبر أصنام العرب إذ ذاك فصارت الفتنة بها أشد. Donc comme on vient de dire, c'était les plus grands tawarites et ces idoles-là qui ont détourné le plus les gens de la religion d'Ibrahim alayhi salam et tawhid. فقرئ بالتخفيف والتجديد فعلى الأولى قالوا هي صخرة بيضاء منقوش عليها بيت بالطائف وعلى الثانية قال ابن عباس رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكف على قبري ولا منافاة بين عبادتهم صخرة أو قبري. Donc concernant اللات, alors soit on le lit بالتخفيف اللات ou bi at-tajdid al-lat. Il y a les deux lectures. Sur la première lecture, donc bi at-tarfif al-lat, ils disent que c'était un rocher blanc qui a été sculpté sur lequel ils avaient construit une maison. Et ça c'était à Taif. Donc adoré par Thaqif et d'autres. Et sur la deuxième lecture, Ibn Abbas dit que c'était un homme pieux et qui faisait de la farine pour la moudre, la farine pour les pèlerins. Et lorsqu'il est mort, ils ont commencé à fréquenter sa tombe et jusqu'à l'adorer. Il dit qu'il n'y a pas de, contradiction entre les deux tefsirs. Ils ont pu adorer la pierre et la tombe ou les deux. Il n'y a pas de contradiction entre les deux choses. وَمَا الْعُزَّةَ فَكَانَتَ شَجَرَةَ سَمُورِينَ عَلَيْهَا بِنَا وَأَسْتَارَ بِالنَّخْلَةِ الشَّامِيَةِ الْمُسَمَّى بِالْمَضْيَقِ بَيْنَ مَكَّةَ وَطَائِفَ كَانَتَ قُرَيْشُ تُعَظِّمُهَا كَمَا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمَ أُحُدَ لَنَا الْعُزَّةَ وَالْعُزَّةَ لَكُمْ. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليه خالدا فقطع الشجرة وهدم البيت ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا فلما رجع وجد امرأة عريانة عريانة ناشرة شعرها ناشرة شعرها تحفن التراب على وجهها فقتلها فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة. العزة, il y a plusieurs versions. Globalement, ça revient toujours, la parole elle revient toujours au fait que c'est un arbre. C'est un arbre sur lequel il y avait, pareil, ils avaient construit quelque chose. Il y avait des rideaux, etc. Il y avait des, disent aussi, sadana. C'est-à-dire, il y avait des gardiens, des gens qui la gardaient. Donc, c'était une idole, à la base bâtie sur un arbre. Donc, c'était entre Mecca et Taïf. Et cette idole, elle était adorée par Quraysh. Comme Abu Sufyan le dit le jour de Uhud, l'an al-Uzza ou al-Uzza lakum. Nous avons l'Uzza et pas de Uzza pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Ruddu, Allahu Mawlana, wala Mawla lakum. Allah jalla wa ala notre Seigneur et pas de Mawla pour vous. Pas de Seigneur pour vous. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a repris Mecca, il a envoyé Khalid, radiallahu an, qui a coupé l'arbre et qui a détruit la maison donc, qui était construite sur l'arbre. Et le prophète sallam, il lui a dit, retourne, tu n'as rien fait. Et lorsqu'il est retourné, il a trouvé une femme nue, avec les cheveux au vent, qui se versait du sable ou de la terre sur le visage, et il l'a tué. Et là, le prophète sallam, il a dit, tilka al-'uzza. Les ulama, ils disent que c'était un shaitan, un djinn, shaitan, un humain, c'était un djinn, shaitan. Et il l'a tué. وَمَّا مَنَتْ فَكَانَتْ بِالْمُشَلَّلِ عَنْدَ قُدَيْدٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَالَ الشَّيْخُ كَانَتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَمَّنْ قَالَ إِنَّهَا لِغَطَفَانَ فَلِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْبُدُهَا وَهِيَ فِي جِهَتِهَا. Quant à Manat, elle était al-Mushalshal, inda Qudayd, entre Mecca et Medina. Le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit qu'elle était adorée par les gens de Médine, Laos ou le Khazraj. Il y en a qui disent qu'elle était adorée aussi par Ghatafan. Al-Muhim, c'était leurs idoles, les trois principales idoles. وكانت خزعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها يوم الفتح. Donc Manat, elle était adorée aussi par Khuza'a, par l'Aws ou le Khazraj. Donc ils glorifiaient, ils adoraient cette idole et c'est à partir de cette idole-là qu'il rentrait en état de sacralisation pour accomplir le Hajj à leur époque. Et lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a ordonné à Ali, il a ordonné à Ali de la détruire, c'est-à-dire le jour de Fath Mecca. Il dit, ومناسبة الآية ترجمة إن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب غربة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع الضر فصارت أوثانا تعبد من دون الله فتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومنات من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان فمن فعل مثل ذلك فقد ضاه عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك مع أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبودهم أعظم من وقع من أولئك قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى إلى آخره. En quoi pourquoi le shir, il met ce verset-là dans ce chapitre-là? Il dit, Il dit que l'adoration de ces mouchriquins-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est faite par le fait qu'ils ont tourné leur cœur vers ces idoles-là en espérant obtenir la baraka de ces idoles-là, c'est-à-dire d'obtenir encore une fois le bien ou le fait de repousser un mal par ces idoles-là, mais en faisant quoi? En leur donnant l'adoration. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit après, elles sont devenues des awthan, des idoles adorées en dehors d'Allah Jalla wa'ala. C'est-à-dire qu'ils recherchent toujours la même chose. Ils recherchent le bien en faisant quelque chose. Mais ici, en faisant quoi? Ils recherchent le bien des idoles que va leur procurer les idoles, mais pas min jihati yani, ala wajh al-istiqlal. Je crois pas que c'est les idoles qui vont leur apporter du bien. Mais que, en adorant ces idoles-là, ils obtiendront la récompense d'Allah Jalla wa'ala. Et ils seront rapprochés ou ils bénéficieront de leur intercession auprès d'Allah. On sait que c'était ça leur croyance, c'était ça leur shirk. Et en aucun cas, ils ont cru que le bien venait directement de l'idole. Donc ici, il n'y a aucun doute que at-tabarruk de cette manière-là, le fait de chercher la baraka de cette manière-là, il n'y a aucun doute que c'est du shirk akbar. Et c'est comme il le dit après, c'est ce qu'on retrouve chez Al-Quburiyin al-Yawm. Pourquoi? Parce qu'ils vont auprès des tombes donner certains actes d'adoration aux morts, donc à l'habitant de la tombe, en espérant recueillir un bien. Alors il y a ceux qui espèrent recueillir le bien ou obtenir un bien de la part d'Allah Jalla wa'ala. Donc ça, c'est exactement le shirk des mushrikins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y en a d'autres qui espèrent carrément obtenir le bien du mort. C'est pour ça qu'il dit à la fin, il dit ouais, il dit ma'a anna al-waqi'a min ha'ula'i al-mushrikin ma'a ma'budihim a'azam mimma waqa'a min ula'ik. C'est pour ça que la situation de ce genre de mouchriquins-là, aujourd'hui avec leurs idoles, est bien plus grave qu'à leur époque. Parce que, encore une fois, comme le shir, il le dit dans Al-Qawa'id al-Arba'a, il dit qu'aujourd'hui, tu trouves la majorité des Al-Quburiyyin, des adorateurs de tombes, qui vont rechercher, qui espèrent le bien, mais que le bien, il vienne directement de celui qui reçoit l'adoration, du mort, du mort en lui-même. Et pas d'Allah Azzawajal, comme c'était le cas de ces mouchriquins-là. Comme c'était le cas de ces mouchriquins-là. Donc il dit, et donc le fait de rechercher la bénédiction des tombes, des pieux ou des pas pieux d'ailleurs, donc par ce moyen-là, en donnant l'adoration, comme ils l'ont fait pour l'aide. Il dit qu'elle l'aide, pourquoi? Parce qu'elle l'aide sur la parole d'Ibn Abbas, elle l'aide, yani bi tajdid, on a dit, Rajulun Salih, Kana, Yaluttu al-Sawiq lil-Hajj. Donc elle l'aide, c'était un homme pieux, il a été adoré en dehors d'Allah, Jalla wa'ala. Donc ça montre que ça a une réponse à ceux qui disent que le shirk, c'est l'adoration des statues. Ceux qui pensent que le shirk se résume à l'adoration des statues, et lorsque l'adoration est donnée à une autre forme d'idole, à une autre forme de tarot qu'à des idoles, à des pierres inconscientes, ils vont dire ça, c'est pas le shirk. Ça, c'est pas le shirk et c'est pas le shirk à propos duquel ces versets-là ont été révélés et c'est pas le shirk de l'époque du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est pas le shirk. Le shirk, c'est l'adoration des statues. Comme ça vient dans le shirk, il répond à ça dans Keshf Shubuhat. Sur cette version-là, l'aide, c'est un homme. Donc le shirk, ça rentre aussi dans l'adoration vouée à un homme, à un humain. Ou donc aux arbres, ou aux pierres, comme l'Uzza ou Manat, etc. Il dit, et celui, donc là, c'est quelque chose, c'est important. فَمَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَاهَ عُبَّادَ هَذِي الْأَوْثَانِ. C'est-à-dire que celui qui fait un acte semblable à ce qu'eux ont fait, il a le même statut que ces adorateurs d'idoles. C'est-à-dire que même si les versets du Coran ont été révélés par la cause de ces gens-là, ils ont une portée générale. que ce qu'on appelle l'umum al-lafzi ou l'umum al-ma'nawi. Tous ces versets-là ne sont pas valables que pour les personnes sur lesquelles ils ont été révélés, mais ils ont une portée globale générale. Là. Ensuite, il cite les versets qu'il y a dans Sourate al-Najm après ça. Donc là, on a vu Shahid. Shahid, c'est quoi? Dans ces versets-là, c'est que ces mushrikin-là, donc tous ceux qu'on a cités, avec que ce soit les adorateurs de ces trois idoles-là ou autres, c'est des gens qui ont recherché la bénédiction de ces idoles-là, c'est-à-dire à rechercher un bien ou à repousser un mal, en sachant qu'ils croyaient que le bien ou le mal venait d'Allah Azzawajal, comme c'est clair et net dans le Coran, mais en donnant l'adoration à ces idoles-là. Donc là, il n'y a pas de discussion sur le fait est-ce que c'est du shirk ou pas, ça c'est aïn shirk. Le shirk, sarf al-ibada li ta'ala. Le fait de donner l'adoration à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ça la définition du shirk, comme le Prophète sallam il a dit. Comme Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Comme le Prophète sallam dit, أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Ça, c'est le shirk, shirk al-akbar. Donc, cette première sorte-là, elle est claire, de tabarruk. Tabarruk et shirki. Et continue avec les versets qui suivent. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى. Donc là, il y a deux explications. Est-ce que pour vous, les garçons et pour lui, les filles, le mâle et la femelle? Et là, il explique ça, il y a deux explications. Et كيف تجعلون هذه الإناث أندادا لله تعالى وتسمونها آلهة ومنات من المنان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. Donc la première explication, c'est qu'on sait que ils ont dérivé les noms de leurs idoles des noms d'Allah Jalla wa'ala, al-manat min al-mannan, wal-uzza min al-aziz, wa al-lat min Allah, ou min al-ilah. Donc ils ont dérivé de ces noms d'Allah Jalla wa'ala des noms féminins, lat, wal-uzza, wa manat. Ça ici. وله الأنثى ألهم ألكم الذكر وله الأنثى c'est-à-dire له الأنثى ils ont dérivé des noms féminins des noms d'Allah Jalla wa Ala et ils ont donné ces noms-là à leurs idoles et dans la deuxième parole تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لله الإناث وذا من قولهم الملائكة بنات الله. Ou alors la deuxième explication, est-ce que pour vous, vous voulez les garçons? On sait que eux, ils voulaient désirer avoir des garçons lorsqu'ils avaient des filles, ils les enterraient vivantes, ou du moins ils étaient en colère. Et par contre, ils prétendaient que les al-malaïka, que les anges étaient les filles d'Allah Azzawajal. A'udhu billah. Et ça c'est l'autre explication du verset. Dit-il-ka idhan qismatun diza, aijar wa batin. Ceci est un partage injuste et vain, nul. إن هي يعني ألوهية هذه الأوثان أو الأوثان نفسها إلا أسماء أي مجرد تسمية سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان. Donc ces idoles là ici dit يعني الألوهية cette adoration là portée à ces idoles ou les idoles on peut dire les idoles en elles-mêmes ne sont que des noms, c'est-à-dire une simple appellation avec lesquelles vous les avez appelés, vous et vos ancêtres, c'est-à-dire de par vous-même, sans qu'Allah Jalla wa'ala n'ait révélé aucune preuve. Sultan, dans le Coran, il vient de deux sortes, Sultan al-Quwa ou Sultan al-Hujja, comme il le dit ici, Ay min Hujja wa Burhan, sans aucune preuve, ma anzal Allahu biha, min sultan ay min hujja wa burhan وتسمية الحجة سلطانا لما فيها من السلطة على القلوب والعقول بالمصير لقبول المدلول. السلطة على بعض la force. Mais ici, il dit que des fois, le dalil, la preuve, elle est appelée sultan parce qu'elle force le cœur à accepter le haqq. Le dalil, il a une force de pour convaincre, de conviction, qui fait que le cœur, il accepte cette chose-là. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça, ça a été appelé sultan. Allah Jalla wa Ala, il a appelé ça sultan, biha min sultan. إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Ils ne suivent que leurs pensées. أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. Ils n'ont que comme appui la bonne pensée qu'ils ont de la voie qu'ont emprunté leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'on sait que Allah Jalla wa Ala, il montre dans le Coran qu'ils suivaient leurs ancêtres sans se baser sur la révélation, et qu'ils pensaient du bien de la voie qu'avaient entrepris pris leurs ancêtres et qu'ils suivaient ça. وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسِ فَالنِّهَيَةَ بُرْهَانِهِمْ مَبْنِي عَلَى أَمْرَيْنِ فَسَادُ الْعِلْمِ فَسَادُ الْعِلْمِ وَفَسَادُ الْإِرَادَةِ وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعا كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة. Et donc, وما إن يتبعون إلا ظن وما تهوى الأنفس. Et c'est-à-dire, donc, ils ne suivent que leurs pensées et ce qui provient de leurs ancêtres, et ils ne suivent que ce que vers ce quoi vont leurs passions, leurs nefs. Ce qui les attire, ce qui attire leurs nefs, ils suivent ceci. Et donc, ils se basent, ils disent, sur deux choses. Ici, ce qu'on peut tirer aussi de ce verset-là, c'est tout ce qui sort de la révélation, tout ce qui sort du Coran et de la Sunna, on appelle ça « hawa ». On appelle ça hawa. Allah a dit, ma anzal Allahu biha min sultan, yani min sultan. On a dit min hujja burhan. La hujja, c'est quoi? Le Coran et la Sunna. On s'est dit, in yattabi'una illa dhan, wa ma tahwa al-anfus. Donc, ils ne suivent que ce qu'ils pensent comme être le bien, puisque c'était la religion de leurs ancêtres, et ce vers quoi vont leurs âmes, ce vers quoi sont attirées leurs âmes. Donc tout ce qui sort du Coran et de la Sunna, ça rentre là-dedans, ça rentre dans le hawa et dans le dhamm. Et ça, c'est ce sur quoi est bâti leur preuve. Et il dit que ceci, c'est lié donc à une absence de science ou une absence de volonté ou les deux choses. Et que tout dalel, tout égarement ou tout shirk, dans cette dunya, elle est basée sur ces deux choses-là. Et en réalité, ça retourne sur, quand Allah Jalla wa Ala dit, إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. C'est-à-dire, إِلَّا الْجَهَلْ. Il n'y a pas de science. C'est basé sur aucune preuve. Ils suivent la religion de leurs ancêtres. Ce n'est pas basé sur une preuve, sultan min al-Qur'an, sunna min al-Wahi. Mais c'est basé sur ce sur quoi étaient leurs ancêtres. Inna wajadana aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun, comme Allah dit, wa ala atharihim muhtadun, comme il dit dans un autre verset. Ils suivent la voie de leurs ancêtres. Allah Jalla wa Ala, il les réprimande plus d'une fois dans le Coran, même si donc c'est quelque chose qui est contradictoire à la révélation. Donc ça, c'est le manque de ilm. Et wa ma tahwa al anfus, et ce par quoi leur nefs est attiré. Ça, c'est la hawa. Ça, c'est le manque de volonté. Des fois, la personne, elle a la science. Mais son nefs, il est attiré par autre chose que ce qu'il connaît. Et donc, il suit ça. Il va suivre ce par quoi son nefs est attiré. Et ça fait penser le verset où Allah dit « Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq » Et c'est celui qui a envoyé son messager avec le Huda. Les ulama ils disent l'ilm nafi, la science profitable. Donc là on a la science. Wa din al haq al amal, les actes. C'est-à-dire une fois que tu as eu la science, tu pratiques les actes. Et on a celui qui a la science et qui par manque de volonté délaisse les actes et qui va vers quelque chose qui lui plaît, son hawa. Et on a celui, l'ignorant, qui n'a pas la science, comme un Nasara, les chrétiens, et celui qui a la science et qui délaisse les actes par manque de volonté, l'Yahoud, comme on retrouve dans le Fatiha. Bon là, c'est écarté un peu du sujet du chapitre, qu'on va passer assez rapidement. Il dit « Walaqad ja'ahum min rabbihumul huda »« Walaqad ja'ahum min rabbihumul huda » Là encore une fois, Allah Jalla wa'ala, il appelle le huda, le Coran et la Sunna. Et tout ce qui est en dehors, Ad-Dalal, Wal-Hawa. Il dit, Arsala ilayhim ar-Rusul bil-Haqq al-Munir, wal-Hujjati al-Qati'ati bi-Ibtal ibadatiha. Wa fi hadhi al-Ayat min ad-Dala'il al-Qati'iyya, ala butlan ibadati hadhi al-Tawaghit wa ashbahiha mimma lam azid 'alayha. Et donc Allah Jalla wa Ala, il a envoyé ou leur est parvenu de la part de leur Seigneur la guidée. Le Coran et la Sunna, le Wahi. Par laquelle, donc, Allah Jalla wa'ala, il a envoyé ses messagers, le Haqq al-Munir ou le Hujj al-Qati'a, et donc pour rendre vains, annuler et rejeter leurs adorations vouées à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi différentes sortes de tawarit. Non. Donc ça c'est concernant le verset. Le verset il est clair. Il est clair que le tabarruk qui est visé ici, tabarruk shirki. Quelqu'un il recherche la baraka en donnant l'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère qu'Allah le récompense parce qu'il a donné l'adoration à un autre qu'Allah jalla wa ala. Et ça c'était leur dîn. Ça c'était ça leur religion. C'était prendre des intermédiaires en leur donnant l'adoration, et espérer la récompense d'Allah, espérer le rapprochement d'Allah, et espérer que ces idoles-là intercèdent pour eux auprès d'Allah. Ils ont pris ce shirk-là comme dîn. C'est-à-dire, ils cherchent par ceci à plaire à Allah, à rechercher l'agrément d'Allah et à se rapprocher d'Allah par ceci. Ils ont pris ça comme dîn, comme religion. Comme les Qubriyin, aujourd'hui, ils prennent comme dîn l'adoration des tombes. Ils cherchent par là à se rapprocher d'Allah et ils prétendent que c'est, comme ils appellent ça, « tawassul wa tashaffu' ila akhiri ». Ensuite, le shir l'a cité dans ce bab-là, le fameux hadith de Zad Anwat. Donc le hadith, il est rapporté par Abi Waqd al-Laythi. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون ويحكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوط كما لهم ذات أنوط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن وإنها السنن قلت ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لا تركبن سنن وسنن من كان قبلكم رواه الإمام الترمذي وصحها. Donc le hadith rapporté par Abi Waqid al-Laythi qui dit que nous sommes sortis avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn. Comme on le verra, la Hunayn, la bataille de Hunayn où l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a combattu Hawazin. Et nous venions de quitter la mécréance, ou nous venions de rentrer en islam. On va voir que ce détail-là, il a une importance dans la compréhension de ce hadith et que ce détail-là, il a aussi une importance pour repousser la compréhension de certains de ce hadith-là. Walil-mushrikin est donc pour les et les associateurs avaient un arbre auprès duquel ils se recueillaient. On verra l'oukouf, ce qu'il dit sur l'oukouf après, et sur lequel ils attachaient leurs armes. Il était appelé, cet arbre-là, il était appelé Dhat Anwat. Et donc nous sommes passés auprès de l'arbre. Et nous avons dit à l'envoyé d'Allah, au messager d'Allah, désigne pour nous un arbre comme eux, ils ont cet arbre-là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est écrit Allahu Akbar. Il a fait le takbir. Inna sanan. Ceci est la voie, donc ce que vous avez dit, est la voie par celui qui détient mon âme. Vous avez dit une parole semblable à la parole de Banu Israël lorsqu'ils ont dit à Moussa, désigne-nous une divinité comme eux, ils ont des divinités. Et vous êtes un peuple ignorant. Et vous allez suivre la voie de ceux d'avant vous. Vous allez emprunter, vous allez suivre les voies ou la voie de ceux qui étaient avant vous. Ça, c'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Donc, an Abi Waqid al-Laythi. Il dit, ismuhu al-Harithu ibn Auf. Sahabi mashhur aslama qabla al-Fath. Aslama qabla al-Fath. وكان يحمل اللواء بني الليث والضمرة وسعد ابن بكر يوم الفتح وخرج إلى مكة فجاور بها سنة ومات سنة 68 وله 85 سنة. Donc il s'appelait Abi Waqd al-Laythi, il s'appelait Al-Harith ibn Auf. Moi, c'est un sahabi connu, il s'est converti à l'islam avant le Fath Mecca. Et lors de la prise de la Mecque, il portait l'étendard de Banu Layth et de Damra, de Sa'd ibn Bakr, Yawm al-Fa'an, il a khiri, et il est resté à Mecca, Fajawra biha sanatan, ou mata sanatan. Donc il est resté à la Mecque une année, et il est mort à l'âge de ou mata sanata en l'an 60. Il est mort en l'an 68 et il avait 85 ans. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn. Donc il dit, nous sommes sortis avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn. Il dit, fi hadith Amr ibn Auf, inda al-Hakim wa ghayrihi, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Fath. ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف إلى آخره وحنين واد بشرق مكة بينه وبينها 17 ميلا قتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بعد الفتح والقصة مشهورة. Dans la version de Amr ibn Auf, donc dans le hadith de Amr ibn Auf, qui est rapporté par le Hakim et d'autres, nous étions sortis en Ghazwa, c'est-à-dire pour le combat avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Fath, et nous étions 1000 et quelques, jusqu'à que nous soyons entre Hunayn et Ta'if. Et Hunayn, c'est une vallée, donc à l'est de la Mecque. Abaynahu abaynaha bid'ashara mila. C'est-à-dire on a un peu plus de 10 milles entre Mecca et Hunayn. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu la tribu de Hawazin. Comme c'est connu dans la Sirah, on a écouté ça dans la Sirah, alhamdoulilah. Non. Ensuite il dit, « Wa nahnu hudatha'u ahadin bi kufr. » ونحن حدثاء عهد بكفر. Donc nous venions de quitter la mécréance. Ou des fois l'ulama, on voit aussi l'expression ونحن حدثاء حديث عهد بإسلام. On peut dire les deux, بكفر ou بإسلام. Soit c'est je viens juste de rentrer dans l'islam, soit on vient juste de quitter la mécréance. Le sens est le même. Il dit Ayy qarib ahdina bil kufr, li'annahum mimman aslama yawm al fath. يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا فلذلك خفي عليهم هذا الشرك ولذا اعتذروا مما صدر منهم قال المصنف فيه أن غيرهم ليجهلوا ذلك وأن المنتقل من الباطل الذي اعتداه قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. Donc, il venait de rentrer en islam, puisque pour l'avant il dit qu'Abu Waqid il est rentré, Abu Waqid dit qu'il est rentré avant la prise de la Mecque. L'Imam a vérifié dans Kitab al-Rijal ce qu'ils disent. Mais que parmi les gens ou ceux qui ont demandé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens, c'est des nouveaux convertis. C'est le sens du hadith. Des gens qui étaient rentrés en islam lors de la prise de la Mecque. Et il dit, c'est pour ceci, pour cette raison-là, que ce shirk-là, donc ce qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ignoraient en fait que ça rentrait dans le shirk. On va en parler après en détail. Ils ignoraient que ça rentrait dans le shirk. C'est-à-dire de par le fait qu'ils venaient de rentrer en islam. Et c'est pour ça que le shirk dit dans le Masail que d'autres que parmi les compagnons, non, on savait que ça rentrait dans le shirk. Et donc cette demande-là n'est pas arrivée de gens qui étaient plus anciens en islam. Et c'est le fait d'être rentré en islam qui fait qu'ils méconnaissaient le fait que cette chose-là qu'ils ont demandé était du shirk. Et que quelqu'un, le shirk dit aussi, que quelqu'un qui vient de quitter la mécréance, des fois il est encore certaine mauvaises habitudes sur lesquelles il était dans la Jahiliya. On va voir ça en détail après, Inch'Allah. Il dit Walil Mushrikin Sidratun. Walil Mushrikin Sidratun Ya'kufun ou Ya'kifun. On peut dire les deux Ya'kufun, Ya'kifun, Ainda. Il dit Ay Yalbathun wa Yuqimun Ainda wa Yu'adhimunaha. والعكوف والبقاء واللبث والإقامة على شيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه فيها من البركة كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورونه وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور في حديث. Non. Donc là, il nous explique c'est quoi l'ukuf. Parce qu'il dit, les mushrikins, sidratun, donc les mushrikins, ils étaient auprès d'un arbre auprès duquel ils se recueillaient. Mais l'ukuf, c'est quoi exactement? Il nous dit ici, c'est le fait de rester à un endroit, de demeurer à un endroit, donc de s'y recueillir et de le glorifier. Donc là, on a l'idée de l'adoration. Yu'adhimunaha. Yu'adhimunaha comme Quraysh ou les autres كانوا يعظمون اللات والعزى ومناة الآخر. Et donc il dit que l'ukuf c'est le fait de rester à un endroit, de se stationner à un endroit. Il dit ibadatan par adoration, wa ta'ziman par glorification, wa tabarrukan en recherchant la baraka. À partir du moment où on dit ibadatan, khlas. Si ça rentre dans l'ibada pour cette chose-là, pour cet arbre-là, cette pierre-là, je ne sais quoi, clairement c'est du shirk akbar. Comme Allah Jalla wa'ala, il cite la parole d'Ibrahim, alayhi salam, dans le Coran, lorsqu'il s'adresse à son peuple, il dit « Ma hadhi at-tamathilu allati laha aakifun » Que sont ces statues auprès desquels il se stationne, il reste, il se recueille. Ça, c'était l'oukouf du peuple d'Ibrahim pour leur statue, pour leurs idoles. Et donc, ils espéraient, ils se stationnaient, ils restaient se recueillir auprès de cet arbre-là, donc les mouchriquins qui avaient leur sidra là, pour rechercher, donc en espérant, la baraka. Comme le font aujourd'hui les adorateurs de tombes, qui restent auprès de leurs tombes et qui se stationnent auprès des tombes et qui se recueillent auprès des tombes. Voilà, ils citent d'autres choses qui rentrent clairement dans le shirk, qui donnent des sadaqat, des vœux pour ces tombes-là. Il dit au hadith Amr ibn Auf, قال كان ينات بها السلاح فسميت ذات أنوات وكانت تعبد من دون الله تعالى فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها إلى آخره فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها. Et donc toujours dans le hadith de Amr ibn Auf, donc c'est une autre version qui est rapportée par Al-Hakim, une autre version de cette histoire-là, de l'histoire de Zat Anwat. Oui, et c'est là qu'il est, il dit aussi que donc ils y accrochaient leurs armes, et c'est pour ça qu'il a été appelé Zat Anwat. Anwat, le pluriel de Naut. Naut bima'na al-manout. C'est-à-dire, c'est la note, c'est bima'an al-manout, bima'an al-maf'oul, c'est-à-dire, c'est la chose à laquelle on va accrocher ce qu'on accroche, des armes ou autre chose. Et donc, ces mouchriquins-là, ils adoraient ce dhat anwat, en dehors d'Allah, jalla wa ala, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, il s'est détourné. C'était un jour d'été chaud, vers une ombre, qui était donc, à l'écart, plus bas que l'arbre. Et donc, il dit que leur adoration, l'adoration de cet arbre-là, donc l'adoration que vouaient ces mouchriquins-là à cet arbre-là, c'était l'ukouf. Donc, on a dit l'ukouf, comme il a dit avant, l'ukouf, yani ibadatan wa ta'ziman wa tabarruka. Indaha raja'an li barakatiha. Donc, le fait de stationner autour de cet arbre est mais par adoration. Et après, il a cité d'autres choses. Il a cité la sadaqa, il a cité les vœux, on va voir que plus tard, il cite aussi le dhabh. Donc là, tout ça, c'est clair que c'est des actes d'adoration clairs et nets. Continuons. Yuqal laha dhat anwat. Non, il dit quelque chose avant. Wa yanutuna biha aslihatahum. Et ils y accrochaient leurs armes. أي يعلقونها عليها لتنالهم بركتها فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف وتبرك بهذه الثلاثة العكوف والتعظيم وتبرك عبدت الأوثان من دون الله تعالى واللفظ ابن إسحاق وغيره وكانت لقريش شجرة خضرة عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. Donc yanutuna biha aslihatahum. Ils y accrochaient, ces mouchriquins là, ils accrochaient leurs armes à cet arbre là pour obtenir la baraka, que leurs armes elles soient bénites par cet arbre-là. Et donc, il dit que leur adoration, c'était quoi? Parce que, il faut, justement, l'enjeu là, de l'étude du hadith, c'est de comprendre quel était le shirk des mouchriquin et de comprendre exactement qu'est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils y accrochaient sur leurs armes pour obtenir la baraka. Donc, pour que leurs armes, elles soient bénites. Et leur adoration, c'était quoi? C'était at-ta'zim. Donc, le fait de glorifier cet endroit, cet arbre-là. le fait de s'y stationner, de s'y recueillir, et le fait de rechercher la bénédiction. Il dit par ces trois choses-là, l'ukouf, donc le recueillement ou le fait de stationner à un endroit, la glorification et la recherche de la bénédiction, par ces trois choses-là, les idoles ont été adorées en dehors d'Allah Jalla wa'ala. Et la version d'Ibn Ishaq et d'autres, donc Quraysh avait un arbre vert immense. Ils y venaient chaque année et ils y attachaient leurs armes et ils y restaient. ويذبحون لها ils égorgeaient pour cet arbre là donc là clairement shirkiyat est واضحه يعني là ذبح لغير الله تعالى يا يا pas là c'est le tabarruk qu'on retrouve dans le verset فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى l'adoration qui était vouée à leurs idoles pour rechercher la baraka mais là c'est clairement un tabarruk shirki là il y a pas de niqash là-dessus. Mais on va voir que le sujet, il est où? Le sujet, il est pas dans al-ukuf, ou al-ta'zim, ou al-dhabh, ou al-nadh ila akhiri. Il est justement dans ce qu'on appelle al-tabarruk. Il est dans al-tabarruk, le fait de rechercher la bénédiction. Et comment si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu rechercher la bénédiction, c'est-à-dire pour leurs armes ou quoi? De quelle manière et qu'est-ce qu'ils ont voulu vraiment faire et qu'est-ce qu'ils ont vraiment demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et est-ce que c'est clair qu'ils ont voulu faire ce genre d'acte que les mouchriquins faisaient eux pour obtenir la bénédiction de leurs idoles? Le sujet, il est là. Donc il dit yuqallaha dhatu anwat. Jam' an-nawt wa huwa masdar. Sumiya bihi al-manut. وإنما سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح وفي رواية فتنادينا من جانب الطريق ونحن نسير إلى حنين رسول الله اجعل لنا إلى آخره. Donc l'anwat c'est le pluriel de naut, c'est un masdar mais qui a le sens de al-maf'oul bihi, c'est-à-dire al-manout, c'est-à-dire c'est la chose à laquelle on y attache autre. Ici, il a été nommé comme ceci parce qu'on y a les gens, ils avaient pour habitude d'y accrocher leurs armes. Il y a beaucoup d'arbres, ils accrochaient leurs armes à cet arbre-là, encore une fois, pour chercher la baraka. Et dans une riwaya, et là, nous nous sommes interpellés les uns et les autres, en étant d'un côté de la route, alors qu'on marchait vers Hunayn en disant, ô envoyé d'Allah, désigne-nous un arbre comme eux, ils ont un arbre. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, il dit فَمَرَرْنَا بِسِدْرَا فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاتٍ كَمَ لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاتٍ. Ou envoyé d'Allah, désigne-nous un arbre ou un ذات أنوات, c'est-à-dire un arbre, ce qui est visé ici, pour qu'on y accroche nos armes comme eux ils ont. Un arbre. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Dhat Anwat. C'est pour autre chose. Il a dit Ja'allana shajaratan, kama lahum shajara. Ici, il dit quoi? Il dit Sa'aluhu an yaj'ala lahum shajaratan mithlaha. Yatabarrakuna biha. Wa yu'alliquna alayha aslihatahum. Wa ya'akufuna indaha. Dhannana minhum an hadha amrun mahbub inda Allah. وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة فطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce qu'ils ont demandé ici? C'est le grand sujet du hadith. Ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il leur désigne un arbre identique à celui qu'ils avaient, pour qu'ils recherchent par celui-ci la baraka, pour leurs armes, qu'ils y accrochent leurs armes. Et pour qu'ils, pareil, qu'ils se recueillent auprès de cet arbre. Et ça, clairement, c'est pas clair dans le hadith. Le fait qu'ils aient demandé un arbre pour y accrocher leurs armes pour y chercher la baraka, ça, c'est mansous fil hadith. Ça, c'est clair dans le hadith. Al-Ukuf, le fait qu'ils s'y recueillent à la manière dont se recueillaient les mouchrikines, ça, c'est pas clairement, c'est pas dans le hadith. Et il le déduit de quoi? Kamalahum dhat anwat. Comme eux, ils ont un arbre auquel ils accrochent leurs armes. Mais est-ce qu'ils ont voulu chercher de manière. Est-ce que c'est vraiment, comme on va le voir par la suite dans la parole de l'imam Shatibi et autres, est-ce qu'ils ont voulu vraiment avoir un arbre pour faire pour l'utiliser complètement de la même manière que l'utilisaient les mouchrikines, pour faire tout ce que eux ils faisaient? Le sujet, il est là, et ça, c'est pas clair dans le hadith. Eux, ils ont demandé that and what, comme eux, ils ont un that and what. Est-ce que c'est une comparaison complète? C'est-à-dire, teshbih mutlaq, ou teshabbuh mutlaq, comme on verra après. C'est-à-dire, avec cet arbre, on va faire tout ce que eux, ils font. On va chercher la baraka pour nos armes, mais aussi, on va se recueillir auprès de cet arbre, et on va faire tout ce que faisaient les mouchrikines. On a vu que les mouchrikines, ils faisaient quoi? Tout ce qui bouge. الذبح والنذر والصدقات إلى آخره des choses qui sont clairement de l'ibada. Donc quand ils disent ويعكفون عندها العكوف, c'est pas clair dans le hadith. C'est pas clair. Donc en pensant que c'est quelque chose qui était aimé par Allah Azzawajal, ça clairement c'est le dîn des mouchriquins. Encore une fois, les mouchriquins, ils ont pris le shirk comme religion. C'est-à-dire, ils pensent que le shirk, c'est quelque chose qui est aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils ont pris ce shirk-là, ils l'ont pris comme dîn, pour se rapprocher d'Allah. Donc eux, ils ont pensé que c'est que, dans ce qu'ils ont demandé, que c'était quelque chose aimé par Allah. Et que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur avait désigné un arbre, il aurait été permis de le prendre pour obtenir la baraka. Et donc, ils ont demandé ceci au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, sinon, c'est des gens qui avaient une valeur bien supérieure au fait de le contredire. C'est-à-dire, s'ils avaient su que c'était quelque chose qui contredit la charia, clairement, ils n'auraient pas demandé ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahu Akbar, innaha as-sanan, ou sunan. Ay Allahu ajallu wa a'zamu, sighatu ta'ajjub. وإن كان إجلالا لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته ومما لا يليق بجلاله وعظمته أن يتخذ شجرة يطلب منها البركة إنها السنن يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السنن المذمومة والسنن بالضم السين الطرق والمراد التقليد من تقدمه من أهل الشرك وفي رواية سبحان الله وفي رواية سبحان الله والمراد تعظيمه تعالى وتنزيهه أن يشرك معه أحد في عبادته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التسبيح والتكبير في حال تعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه إذا سمع من أحد ما لا يليق به تعالى مما فيه هدم للربوبية وتنقص في الألوهية وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما ينبغي أن يقال في الدين. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est écrié et il a prononcé le takbir. Allahu Akbar, innaha sunnah. Donc Allah est le plus grand. C'est-à-dire que ça, on l'utilise comme manière ou comme forme de phrase ta'ajjub, d'étonnement. Le fait d'être surpris. Et Allah Jalla wa ala est au-dessus. Est au-dessus, est supérieur et est pur. De tellement, c'est-à-dire que ça a le sens de, comme ils disent, al-ilm de at-tanzih, comme at-tasbih. Ça a le sens de at-tanzih, c'est le fait d'exempter Allah Jalla wa Ala et de montrer, de déclarer qu'Allah Jalla est exempt de tout défaut, de tout associé, et que lui seul mérite l'adoration, et que lui seul se décrit par Al-Kamal, c'est-à-dire par des attributs de perfection, et que lui seul est exempt de tout défaut, de toute imperfection, et de tout associé, de tout semblable. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans Al-Wasitiyah, lorsqu'on avait vu le verset où Allah Jalla wa ala dit Subhanaka, Subhana Rabbika, Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa Salamun ala al-Mursalin, wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On avait vu que l'hamd, c'est ithbat sifat al-kamal. L'hamdou, la louange, c'est le fait d'attribuer à Allah Jalla wa ala la perfection sous toutes ses facettes, dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes, dans son droit, etc. Et que at-tasbih, c'est le fait d'exempter Allah Jalla wa ala et de purifier Allah, ou de croire qu'Allah Jalla wa ala est pur, est exempt de tout défaut et de tout manquement et de toute insuffisance, et qu'Allah Jalla wa ala n'a aucun associé, rien ne lui ressemble. C'est le sens de Alhamd wa at-tasbih. Et si quand Allah Jalla wa ala, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'étonnait, il disait Allahu Akbar, ou il disait Subhanallah. Qu'Allah Jalla wa ala est au-dessus de ce quoi il le décrive, et est au-dessus d'avoir un semblable. C'est-à-dire, est au-dessus qu'on lui donne, ou qu'on donne à un autre que lui, l'adoration, comme on la donne qu'à lui. Wahdahu la sharika. Inna sunan, yani. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est important. Ta'sil, c'est une règle aussi. Inna sunan, c'est-à-dire que vous suivez la même voie que celle. Vous prenez la voie que ceux d'avant vous ont prise. Sunan at-turuq. Vous prenez la voie ou les voies qu'Allah Jalla a réprimandé, et la voix de ceux qu'ont emprunté les gens avant vous, et vous suivez les gens qui vous ont précédé, parmi les mushrikines, parmi les juifs et les chrétiens, comme Prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, mais on va le voir après dans le hadith d'Abi Sa'id, « La tarakabunna sanana alladhina min qablikum qudha bi qudha, hatta idha دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Ou d'autres hadiths, dans une autre version, شبرا بشبرين وذراعا بذراعين حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه فقالوا من يرسل اليهود والنصارى قال فمن. Dans le hadith d'Abi Saïd, ça c'est une grande règle. Vous allez suivre les gens d'avant vous, pas à pas, jusqu'à donc, le prophète sallam, il a donné ici une image. S'il rentre dans un trou de dabbin, trou de serpent, vous allez les suivre. Donc, pour montrer qu'ils vont vraiment les suivre pas à pas dans toute chose et dans le shirk aussi. Donc, les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont dit qui est envoyé d'Allah? Les juifs et les chrétiens, il a dit qui d'autre? Et on sait que les ulama, ils prennent ça comme délire pour raffermir le fait, pour renforcer le fait qu'il y a des gens parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont sortir de l'islam et qui vont commettre le shirk comme l'ont commis ceux d'avant eux, les Yahoud et les Nasara, pour répondre à ceux qui disent que le musulman ne sort jamais de l'islam. Quand il dit la ilaha illallah, il peut faire ce qu'il veut, il sort jamais de l'islam, alors que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une partie de cette communauté qui va commettre le shirk, comme on le verra dans les chapitres suivants, inshallah. Non, mais donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait pour s'étonner, il utilisait donc ou bien le takbir ou le tasbih, Allahu Akbar ou Subhanallah. نعم تعظيم لله تعالى وتنزيه له كما نادي et donc il dit qu'il convient, donc ça c'est, on l'utilise quand on entend quelque chose qui va contredire soit la rububiyya d'Allah Jalla wa Ala, soit sont droits à l'adoration, comme c'est le cas ici, sur cette compréhension-là. Et c'est de cette manière-là que le musulman il doit se comporter lorsqu'il entend quelque chose qui contredit le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout quand c'est quelque chose qui touche au tawhid et à la perfection d'Allah, ou à son droit, lui seul, d'être adoré. Le fait d'être adoré seul, quand on entend quelque chose qui contredit ceci, on doit utiliser ces formules-là et pas autre chose. Ça, c'est ce avec quoi s'étonnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et utiliser ces mots-là. Inch'Allah, on va arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet par rapport à ce hadith-là. Encore une fois, on sait que ce hadith-là, c'est une grande base aujourd'hui chez les prêcheurs à l'égarement qui utilisent ce hadith-là comme pilier. C'est un pilier chez eux avec d'autres hadiths pour montrer que celui qui commet du shirk akbar, il est excusé par son ignorance, dans le sens où on continue à juger de son islam. Donc quelqu'un qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui prie, ou même s'il ne prie pas pour eux, et qui commet une forme de shirk, il reste musulman parce qu'il ignore que ce qu'il fait, c'est du shirk. Là, le dalil, c'est quoi? Le dalil, c'est « An Abi Waqid al-Laysi, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa hawlayn ila akhirihi, wa qalu ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. » Voilà, ça c'est leur dalil pour dire que quelqu'un qui fait du shirk ne sort pas de l'islam parce qu'il est ignorant, et on continue à l'appeler musulman et on continue à appliquer sur lui les ahkam du musulman. Donc ça fait partie des piliers de leur argumentation, et on verra, inshallah, on lira donc ce qui reste du hadith, et on lira inshallah d'autres choses, et on lira inshallah wa ta'ala, on s'étendra un peu sur la grande règle chez Al-Sunna wal-Jama'a, de comment la compréhension de qu'on doit avoir des textes, et comment on comprend les textes. Et on reviendra à la grande règle de ce qu'on appelle Al-Muhkam, Al-Mutashabih, qu'Allah Jalla wa Ala a énoncé dans le Coran au début de Sourate Al-Imran, quand il dit Huwa alladhi anzala alayka al-kitab, minhu ayatun muhkamatun hunna umm al-kitab wa ukhra mutashabihat. Ça, c'est comme le Cheikh Mohammed rahimahullah, il dit dans Kashf al-Shubuhat, ce verset-là et la compréhension de ce verset-là et la mise en application de ce verset-là, c'est la réponse globale à toute Shubha. À toute Shubha, on répond de cette manière-là. Ensuite, il y a une réponse détaillée, donc qui est liée à chaque Shubha en elle-même. Chaque Shubha est différente, il y a une manière d'y répondre de manière différente et de manière particulière. Mais la réponse globale à n'importe quelle Shubha, elle est là-dedans. Al-Muhkam ou Al-Mutashabih, c'est quoi Al-Muhkam? C'est quoi Al-Mutashabih? Et quand on a un texte qui est Mushtabih ou Mutashabih, comment on doit se comporter avec ce texte-là? Ça, quelqu'un qui comprend ça, qui connaît ça, qui comprend ça, il est capable de répondre à n'importe quel Shubha, comme le Cheikh il le dit dans Keshf al-Shubuhat. Et on lira ça maintenant parce que c'est encore une fois ce hadith-là. Pareil avec le hadith de l'homme qui s'est fait brûler, pareil avec d'autres textes encore que ces gens-là utilisent pour excuser les mouchrikines et les appeler muslimines, et appeler ceux qui disent qu'ils sont mouchrikines, khawarij, ou takfiriyin, etc. Donc c'est important de connaître ces règles-là pour répondre à ces choubahas-là. Et on verra que les ulama, ce genre de texte, ils appellent même pas ça un dalil. On verra la différence entre ce que c'est un dalil et ce que c'est une choubaha. Une choubaha, c'est pas un dalil à la base. Un texte qui n'est pas clair, on n'appelle pas ça un dalil. Ça s'appelle une choubaha. Une choubaha, ça ne peut pas être un dalil. Dalil, c'est quelque chose qui est clair. Inch'Allah, on arrête aujourd'hui avec ça. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.